smoke more sale. Je viens de là où les gens sont dangereux. Depuis L43, de loi contre les sans-papiers, café crème. L'alliance est dangereuse, rappelle-toi. L'apartheid en Afrique du Sud. On s'arrachait des noirs pour une poignée de dollars. Souffrance, voilà comment on vivait nos différences. Si quelques lignes m'offensent, envahis par les rumsteaks et leurs colonies. Moi et ma colonie, on fait une tuerie. Ça part en steak haché, en boucherie. Dangereux, depuis mon enfance. Violence, comme un steak senior. Violence, comme égorger un porc. Dangereux, le taille qui boxe en France pour graille. La violence paie sur les rimes de France. Fuck, le danger, ses conséquences. Violence, c'est la souffrance. J'agresse la feuille à coups de plume. Tu contestes, à l'ancienne j'agresse. C'est plus, je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Quand je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Écoute-moi bien d'où je viens, y'a pas de rupin, rien de concret. Pour les gamins, les portes se ferment quand t'entends, j'arrive devant en place, c'est vrai. J'ai souvent fait le premier pas et fini sur la case, départ la rage, en rap 10 ans, garde la tête froide. Ok, c'est les coups bas montés à chaque combat, renaître de mes cendres dans mon sang. Le phénix brûlant, hurlant, méprisant. Ces gens faisant de moi un être nuisant. Mes 10 ans, je pourris la France et pense qu'à me remplir la panse. Cool, car qu'est-ce qui se passe? Les gens craignent leur prochain demain. Un verre de sel s'empruntera par internet. Et je reste connecté, donne à la collecter. Ces esprits froissés. Je lâche les chaînes, t'es bien mes poches. Regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a que ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a que ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. La boxe, c'est pas mon truc, je déclare forfait. Pour moi, le ring, c'est cette assiette de la vie et nous, les viettes dedans. Avec nos propres méthodes, unique technique avec nos propres épisodes. Je frappe avec le mic, qu'est-ce que j'ai appris? Coller les connaissances, finir instruit. Mais pourquoi ne pas m'avancer plus loin? Rien n'était fluide, tout était dur, ils ne parlent même plus. Agissent comme des sauvages, bavent des scènes de bagarre. Pure méthode de la rue, pas de règles, pas de faibles. Tu prends des coups, tu donnes des coups, j'ai trop dormi. Pour moi le rêve n'existe plus, on reste compact, toujours au contact. Dans cette atmosphère peu probable, j'ai grandi en regardant les autres comme idéal. Finir derrière les barreaux n'est pas ma vocation. Dans ce quartier espoir perdu, ton tendu, fini de croire. Je veux pouvoir sortir dans la passe, considérer l'audace pour y faire face. Savoir se débrouiller, penser seulement à son avenir. Regarder au bout de cette erreur sans stupeur son chemin. Choisir son lendemain, exprimer ce que sera demain. La vie est belle, mais la réalité reste cruelle. Le jour se lève autour de nous, tout semble être un duel. Venir à l'essentiel, sans être superficiel. Je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a que ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a que ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Je regarde devant moi, je ne vois que des larmes. Des gens qui ne pensent qu'à pleurer parce qu'ils n'ont pas gagné. Gros, c'est pas bon, je suis juste un moment avec eux, tu le ressens bien. Y'a que ça qui compte, voilà pourquoi les folies dégénèrent. Yeah, man.